Chapitre 19. Salarino, s'il ne te paye pas, bien sûr tu ne lui prendras pas sa chair. À quoi est-elle bonne? Shylock, à amorcer le poisson. N'assouvirait-elle que ma vengeance, cela me suffit. Shakespeare, le marchand de Venise. Quand la petite troupe entra dans le fort de William Henry, les ombres du soir avaient ajouté encore à la solitude de ces ruines. Le chasseur et ses compagnons firent à la hâte leurs préparatifs pour y passer la nuit, mais d'un air grave et sérieux qui indiquait combien avait fait d'impression sur eux l'horrible spectacle qui avait affligé leurs regards. Quelques poutres à demi brûlées furent redressées contre un mur noirci. Uncas les recouvrit de feuillage et l'abri temporaire fut installé. Le jeune Indien montra à Hayward cette construction grossière et Hayward, qui comprit son geste silencieux, y conduisit Munro. Laissant le colonel seul avec ses chagrins, il retourna aussitôt au grand air, trop agité lui-même pour chercher le repos qu'il avait recommandé à son vieil ami. Tandis qu'Œil de Faucon et les Indiens allumaient le feu et prenaient leur frugal repas du soir, qui consistait en un jambon d'ours fumé, le jeune officier alla visiter la courtine du fort qui donnait sur le lac. Le vent avait cessé de souffler et les vagues roulaient sur la rive sablonneuse avec un mouvement moins violent et plus régulier. Les nuages, comme fatigués de leur course impétueuse, commençaient à se disperser. Les plus épais s'accumulant en masses noires à l'horizon et les plus légers se balançant au-dessus de l'eau ou ondoyant au sommet des montagnes comme une volée d'oiseaux effrayés autour de leurs juchoirs. Ça et là, la clarté scintillante d'une étoile perçait le rideau de vapeur et jetait une traînée de lumière sur le lugubre aspect des cieux. Dans l'enceinte circulaire des hauteurs régnait une obscurité impénétrable, et la plaine ressemblait à un charnier vaste et désert, où pas un souffle ne venait troubler le sommeil des nombreuses victimes. Duncan resta quelque temps à contempler ce tableau si cruellement en harmonie avec ce qui s'était passé. Ses regards se portaient tour à tour de l'enceinte du fort où les trois enfants de la forêt étaient assis autour d'un feu brillant, à la lueur mouvante qu'on apercevait encore au couchant, puis se reposaient longtemps et avec angoisse sur ces ténèbres compactes qui couvraient les morts comme d'un linceul. Bientôt, il crut entendre s'élever de ce côté des sons sourds et si confus qu'il ne savait comment s'en expliquer la nature, encore moins la réalité. Honteux de ses craintes et de sa faiblesse, il se tourna vers le lac et s'efforça de reporter son attention sur les étoiles qui se réfléchissaient obscurément sur la surface mouvante des eaux. Cependant, son oreille aux aguets l'avertit de la continuation des mêmes sons, comme pour le mettre en garde contre quelque danger caché. Il lui sembla même saisir distinctement un bruit de pas à travers les ténèbres. N'étant plus maître de son inquiétude, Duncan appela le chasseur à voix basse et l'invita à monter auprès de lui. Ce dernier prit son fusil et se rendit auprès du major, mais avec un calme et un sang-froid qui annonçaient à quel point il se croyait en sûreté. « Écoutez !» lui dit Duncan. On entend dans la plaine des sons étouffés qui indiqueraient que Montcalm n'a pas entièrement abandonné sa conquête. Alors les oreilles valent mieux que les yeux, répondit l'autre d'une voix pâteuse et tout en achevant de mâcher entre ses dents sa viande d'ours. Montcalm, dites-vous, je l'ai vu moi-même rentrer dans sa cage avec toute son armée, car vos Français, quand ils ont eu la main heureuse, aiment s'en retourner chez eux pour danser et se réjouir de leur victoire. Cela se peut, mais un Indien dort rarement sur le sentier de la guerre, et pourquoi la soif du pillage n'aurait-elle pas retenu ici un Huron après le départ de sa tribu? Il serait bon d'éteindre le feu et de faire le guet. Tenez, n'avez-vous pas entendu? Un Indien rôde rarement autour des tombeaux. Certes, on le voit toujours prêt à tuer, et il s'inquiète peu des moyens. Mais d'ordinaire, il se contente de la chevelure de son ennemi, à moins qu'il n'ait le sang échauffé et l'esprit en fureur. L'axe est fini, il oublie sa haine et laisse volontiers les morts dormir en paix. Et à ce propos, Major, croyez-vous que les peaux rouges et nous autres blancs, nous aurons un seul et même paradis ? Sans doute, sans doute. Encore ce bruit, c'était peut-être un bruissement de feuilles. Quant à moi, continua œil de faucon en tournant la tête avec nonchalance dans la direction indiquée par Hayward, je crois que le paradis est un séjour de félicité, où chacun trouvera des jouissances conformes à ses goûts et à ses aptitudes. En conséquence, les peaux rouges ne sont pas très éloignées de la vérité, à mon avis, en croyant rencontrer là-haut les magnifiques terrains de chasse dont parle leur tradition. Et je ne vois pas en quoi il serait au-dessous de la dignité d'un blanc de race pure de passer son temps à... Pour le coup, interrompit Duncan, vous l'avez entendu. Oui, oui. Qu'elle soit abondante ou rare, les loups s'acharnent à leur pâture, répliqua le chasseur sans s'émouvoir. Si l'on y voyait clair et qu'on en eût le temps, on pourrait choisir dans leur peau et sans trop de peine. Mais revenons au sujet de la vie future, Major. Dans les colonies, j'ai ouï dire aux prédicateurs que le ciel était un lieu de repos. Quand on parle de bonheur, avant tout il s'agit de s'entendre. Moi, par exemple, sans vouloir manquer de respect aux décrets de la Providence, on ne me ferait pas un grand cadeau en me tenant enfermé dans les demeures en question, vu mon goût naturel pour l'exercice et la chasse. Duncan, qui, d'après l'explication de son interlocuteur, croyait avoir la clé des bruits mystérieux, prêta plus d'attention à ses discours. « Il est difficile de prévoir, dit-il, ce que nous éprouverons lors de ce grand et dernier changement. C'en serait infameux, sans contredit, répartit le chasseur qui s'entêtait dans son idée. Pour un homme qui a passé sa vie en plein air, quelque chose comme de s'endormir aux sources paisibles de l'Hudson pour se réveiller au mugissement d'une cataracte. Enfin, il est consolant de savoir que nous servons un maître miséricordieux, chacun à notre manière, et quoi qu'il y ait entre nous d'immenses espaces. Qui va là ? N'est-ce pas, comme vous le disiez, un loup qui galope ? Œil de faucon secoua la tête et fit signe à Duncan de le suivre dans un endroit que la clarté du feu n'éclairait pas. Après avoir pris cette précaution, il resta quelque temps sur le qui-vive, dans l'espoir que le bruit qui les avait frappés viendrait à se reproduire, mais sa vigilance demeura sans effet. « Il faut appeler Uncas, dit-il. Le gars a l'essence d'un Indien et pourra entendre ce qui nous échappe, car étant un peau blanche, je ne saurais renier ma nature. » À ces mots, il imita le houloulement du hibou. Le jeune Mohican, qui s'entretenait à voix basse avec son père, tressaillit et, se levant sur le champ, il tourna les yeux vers le rempart. À un second cri d'appel, il se glissa jusqu'à l'endroit où se tenaient les deux blancs. Œil de faucon lui expliqua brièvement en delaware ce qu'il désirait de lui. Aussitôt qu'Uncas eut appris pourquoi on l'avait fait venir, il s'éloigna de quelques pas et se jeta à plat ventre sur le gazon, où il parut ne plus bouger. Surpris de l'immobilité du jeune guerrier, et curieux de surprendre la façon dont il mettait en œuvre ses facultés d'observation, le major s'avança vers l'endroit où il avait cru l'apercevoir. Mais Uncas avait disparu, et ce qu'il avait pris pour son corps couché à terre était une saillie de terrain. « Qu'est devenu le Mohican ? » demanda-t-il en revenant sur ses pas. « C'est là que je l'ai vu s'étendre, et j'aurais juré qu'il y était encore. Chut ! Répondit œil de faucon. Plus bas, car nous ignorons s'il n'y a pas des oreilles ouvertes et les mingos en ont chacun une excellente paire. Quant à Uncas, il est maintenant dans la plaine, et les maquas, s'il y en a, trouveront à qui parler. Vous pensez donc que Montcalm n'a pas rappelé tous ces Indiens ? Donnons l'alarme à nos compagnons et aux armes. Nous sommes cinq accoutumés à voir l'ennemi en face. Pas un mot à personne, il y va de la vie. « Regardez le sagamore. N'a-t-il pas l'air d'un grand chef indien assis au feu de sa tribu ? Si des traînards rôdent dans l'ombre, ils ne découvriront pas à sa contenance que nous nous doutons de l'approche du danger. Mais ils peuvent l'apercevoir, lui, et le tuer à coup sûr. Sa personne est trop visible à la clarté de ce feu, et il deviendra certainement la première victime. Il y a du vrai dans ce que vous dites, » répondit œil de faucon, plus inquiet qu'il n'avait encore été. Que faire ? Le moindre mouvement suspect peut attirer l'ennemi sur nous avant que nous soyons prêts à le recevoir. Il sait par le signal de tout à l'heure que nous avons éventé une piste. Il n'y a plus qu'à l'avertir du voisinage des Mingos. Sa nature indienne lui indiquera ce qu'il doit faire. Le chasseur mit alors deux doigts dans sa bouche et produisit un sifflement sourd qui fit tressaillir Duncan comme s'il eût entendu un serpent. Chingachgook était assis l'air pensif, la tête appuyée sur une de ses mains. Au signal que semblait lui donner le reptile dont il portait le nom, il releva la tête et promena rapidement autour de lui ses yeux noirs et brillants. Ce mouvement soudain, et peut-être involontaire, fut la seule marque de surprise ou d'alarme qu'il montra. Il ne toucha point à son fusil qui était près de lui. Son tomahawk, qu'il avait ôté de sa ceinture pour être plus à l'aise, resta à l'endroit où il l'avait déposé. Et toute sa personne parut s'affaisser comme celle d'un homme fatigué qui a besoin de détendre ses muscles pour jouir d'un complet repos. Seulement, en reprenant sa première attitude, il s'appuya sur son autre main comme pour se délasser et attendit ensuite l'événement avec cette calme intrépidité dont un Indien seul était capable en un pareil moment. Mais Duncan le remarqua, bien qu'à des yeux moins exercés le chef Mohican parût sommeiller, ses narines se dilataient plus que de coutume, sa tête se détournait un peu de côté comme pour aider l'organe de l'ouïe, et son œil vif et rapide errait continuellement sur tous les points à portée de la vue. « L'homme admirable, voyez-le, » dit œil de faucon en prenant le bras d'Hayward. « Il sait qu'il suffit d'un regard, d'un mouvement pour déconcerter notre prudence et nous mettre à la merci de ces coquins de... » La lumière et la détonation d'un mousquet l'interrompirent, et l'air fut rempli d'étincelles de feu autour de l'endroit où les yeux d'Hayward étaient encore attachés avec admiration. Quant au grand serpent, il avait disparu. Le chasseur, surpris, avait mis sa carabine en joue, n'attendant pour s'en servir que le moment où paraîtrait un ennemi. Mais l'attaque se borna à l'unique et inutile tentative faite contre la vie de Chingachgook. À deux ou trois reprises, un bruit éloigné troubla la solitude. Il venait d'une meute de loups qui s'enfuyaient apeurés devant un intrus. Après quelques minutes d'impatience et d'anxiété, l'on entendit un nouveau bruit, celui d'un plongeon dans les eaux du lac, immédiatement suivi d'un second coup de feu. « C'est Uncas, » dit le chasseur. « Ce garçon a une bonne carabine. J'en connais le son comme un père la voix de son fils, car je l'ai porté longtemps avant d'en avoir une meilleure. « Que signifie tout cela ?» demanda Duncan. « Nous sommes surveillés et, à ce qu'il paraît, voués à la mort. Les éclats de ce tison prouvent qu'on ne nous voulait pas précisément du bien, et voici un Indien qui prouve aussi que le mal n'est pas grand. » À ces mots, œil de faucon remit sous le bras gauche son arme fidèle et suivit dans l'enceinte du fort Chingachgook qui venait de reparaître auprès du feu. « Eh bien, Sagamore, » ajouta-t-il, « quoi de nouveau? Les Mingos viennent-ils sur nous tout de bon, ou n'est-ce qu'un de ces reptiles qui rôdent sur les derrières d'une armée pour scalper les morts et vont se vanter auprès des femmes de leurs exploits sur les visages pâles ?» Chingachgook reprit tranquillement sa place et commença par examiner le tison qu'avait échancré la balle qui avait failli lui être fatale. Après quoi, levant un doigt en l'air, il fit cette réponse monosyllabique. « Hein ? Je m'en doutais, » dit œil de faucon en s'asseyant à ses côtés. Et comme il a pu se réfugier dans l'eau avant qu'Uncas lui ait lâché son coup, le drôle ne manquera pas d'inventer une belle histoire de chasse donnée à deux Mohicans et un chasseur blanc, car les officiers ne comptent pour rien dans ces affaires-là. À son aise, à son aise. Dans toutes les nations, il y a d'honnêtes gens. Une denrée assez rare parmi les Maquas, qui sont prêts à rabattre le caquet d'un hâbleur lorsque ses fanfaronnades dépassent toute mesure. La balle du mécréant a sifflé à vos oreilles, Sagamore. » Chingachgook jeta un coup d'œil indifférent vers l'endroit où avait frappé la balle et conserva son attitude avec un sang-froid qu'un accident si léger ne pouvait troubler. Uncas survint en ce moment et s'assit auprès du feu avec le même air tranquille que son père. Hayward, surpris et intéressé à la fois, observait tous ses mouvements et n'était pas loin de croire que les enfants de la forêt avaient entre eux certains moyens secrets d'intelligence qui avaient échappé jusqu'alors à son attention. Ainsi, au lieu du récit hâtif et verbeux qu'un jeune Européen n'eût pas manqué de faire, avec un peu d'exagération même, de ce qui s'était passé dans les ténèbres de la plaine, Uncas paraissait se contenter de laisser ses actes parler pour lui. En réalité, ce n'était pour un Indien ni le moment ni l'occasion de se vanter de ses exploits, et il est probable que, sans les questions d'Hayward, il n'eût pas été pour l'instant prononcé une syllabe de plus sur ce sujet. « Qu'est-il advenu de notre ennemi, Uncas ?» demanda Duncan. « Nous avons entendu votre carabine, et nous espérions que vous n'auriez pas tiré en vain. » Le jeune chef écarta sa blouse de chasse et montra la chevelure qui était le trophée de sa victoire. Chingachgook y porta la main et l'examina avec beaucoup d'attention, puis la rejetant avec une forte expression de dégoût, il s'écria « Ouf ! Un Oneida ! Un Oneida ! » répéta œil de faucon qui se laissait déjà rapidement aller à l'apathique indifférence de ses compagnons rouges, mais qui s'avança avec empressement pour regarder la touffe sanglante. « Pardieu, si les Oneidas sont à notre piste, nous serons entre deux groupes de démons. Aux yeux d'un blanc, il n'y a point de différence entre cette peau et celle de tout autre Indien, et cependant le sagamore déclare que c'est la dépouille d'un Mingo. Bien plus, il nomme la tribu du maraudeur avec autant de facilité que si cette chevelure était le feuillet d'un livre et chaque cheveu une lettre. » De quel droit les blancs chrétiens tirent-ils gloriole de leur science lorsqu'un sauvage sait lire un langage auquel les plus instruits d'entre eux ne comprennent goutte? Et vous, mon garçon, qu'en dites-vous? À quelle nation appartenait le brigand? Uncas leva les yeux sur le chasseur et répondit de sa voix douce et musicale. Oneida. Encore Oneida. Quand un Indien déclare une chose, elle est généralement vraie. Mais quand un autre la confirme, croyez-y comme à l'Évangile. « Le pauvre diable nous a pris pour des Français, » dit Hayward, « sans quoi il n'aurait point attenté à la vie d'un ami. Lui, prendre un Mohican avec son tatouage pour un Huron, c'est comme si vous preniez les habits blancs des grenadiers de Montcalm pour les habits rouges du Royal Américain. Non, non, la vermine entendait son affaire. Après tout, il n'y a pas grand mal. » Car l'amitié ne brille guère entre Mingos et Delawares. À quelque parti qu'ils se réunissent dans les querelles des Blancs, pour ce qui est de moi, quoique les Oneidas soient au service de Sa Majesté, mon souverain seigneur et maître, je n'aurais pas balancé longtemps à lâcher mon perce-dent contre le maraud si le hasard l'avait mis sur mon chemin. C'eût été une violation des traités, une conduite indigne de votre caractère. Quand un homme en fréquente d'autres, s'ils sont d'honnêtes gens, et qu'ils ne soient pas un coquin, ils finiront par s'unir d'amitié. À force d'astuce, il est vrai, les Blancs sont parvenus à jeter une grande confusion dans les tribus, en ce qui concerne les amis et les ennemis, de sorte que les Hurons et les Oneidas, qui parlent la même langue et sont, pour ainsi dire, une même famille, s'enlèvent mutuellement les chevelures. Il n'en est pas autrement des Delawares. Quelques-uns, fixés autour du feu de leur grand conseil sur les bords de leur rivière, combattent dans les mêmes rangs que les Mingos, tandis que la plus grande partie habite le Canada et nourrit contre les Mingos une haine naturelle. C'est ainsi qu'on a tout confondu et qu'on a détruit toute harmonie de la guerre. Cependant, un pot rouge n'est pas fait pour changer selon les caprices de la politique, et voilà comme l'amitié d'un Mohican pour un Mingo ressemble beaucoup à celle d'un blanc pour un serpent. Je suis fâché de l'apprendre. Je croyais que les Indiens qui habitent dans les limites de notre territoire avaient trouvé en nous trop de justice et de libéralité pour ne pas s'identifier complètement à notre cause. Ma foi, il est bien naturel de préférer sa propre cause à celle des étrangers. Quant à moi, j'aime la justice. C'est pourquoi je ne dirais pas que je déteste un Mingo, car cela ne conviendrait ni à ma couleur ni à ma religion. Mais je dirai encore que c'est de la faute de la nuit si Perseudin n'a pris aucune part à la mort de ce rôdeur d'Oneida. Alors, convaincu de la toute-puissance de sa logique, quel qu'en pût être l'effet sur l'opinion de ses antagonistes, l'honnête mais implacable coureur des bois se tourna d'un autre côté et laissa tomber la discussion. Notre officier remonta sur le rempart, trop inquiet et trop peu accoutumé à la guerre de forêt pour que la possibilité d'attaque si insidieuse lui permît de dormir tranquille. Il n'en fut pas de même d'œil de faucon et des mohicans. Leurs sens exercés et subtils, dont la perfection dépassait les limites de toute croyance, les avaient mis à même, une fois le péril découvert, d'en apprécier l'étendue et la durée. Aucun des trois ne paraissait douter le moins du monde de leur parfaite sécurité, à en juger par les préparatifs qu'ils firent pour tenir conseil sur leur conduite à venir. La confusion des nations et même des tribus dont avait parlé Œil de Faucon existait à cette époque dans toute sa force. L'important lien d'un langage commun, et par conséquent d'une commune origine, était rompu dans beaucoup d'endroits, et par suite de cette désunion, les Delawares et les Mingos, comme on appelait les six nations, combattaient dans les mêmes rangs, et ces derniers ne se faisaient faute de scalper les Hurons, qui passaient pour être la souche première de leur peuplade. Les Delawares eux-mêmes étaient divisés entre eux. L'amour du sol qui avait appartenu à ses ancêtres retenait le sagamore des Mohicans avec un petit nombre de ses partisans qui servaient au fort Édouard sous la bannière du roi d'Angleterre. Néanmoins, la plus grande partie de sa nation était entrée en campagne comme alliée des Français. Les Delawares, ou les Nappes, avaient la prétention d'être la tige de ce peuple nombreux, autrefois maître de la plupart des États américains de l'Est et du Nord, et dont les Mohicans formaient l'une des tribus les plus anciennes et les plus honorées. C'était donc avec une parfaite connaissance des intérêts compliqués qui avaient armé l'ami contre l'ami et placé sous un même drapeau des ennemis naturels que le chasseur et ses compagnons se disposèrent à délibérer sur les mesures qui devaient présider à leurs mouvements ultérieurs au milieu de tant de tribus hostiles et sauvages. Le feu fut de nouveau alimenté, et les trois personnages s'assirent autour avec toute la gravité requise. Duncan connaissait assez les coutumes des Indiens pour comprendre la raison de ces préparatifs. Il se posta donc à l'angle d'un bastion, d'où il pourrait être spectateur de ce qui allait se passer, sans cesser de veiller aux dangers de l'extérieur, et il attendit le résultat avec toute la patience dont il put s'armer en cette occasion. Après un intervalle de silence, Chingachgook alluma une pipe dont le godet était formé d'une pierre tendre du pays, artistement taillée, et dont le tuyau se composait d'un tube de bois. Puis il se mit à fumer. Après avoir aspiré quelques bouffées de tabac, il passa la pipe à Œil de Faucon, qui la remit ensuite à Uncas. Elle fit ainsi trois fois le tour au milieu d'un religieux silence. À la fin, le sagamore, comme le plus âgé et le plus élevé en dignité, énonça, en quelques paroles pleines de calme et de gravité, le sujet de la délibération. Le chasseur parla après lui. Chingachgook répondit, et son interlocuteur lui adressa de nouvelles objections. Le jeune Uncas écouta dans une attitude respectueuse jusqu'à ce que le blanc voulût bien lui demander son avis. D'après le ton et les gestes des orateurs, Hayward conclut que le père et le fils avaient embrassé le même côté de la question, tandis que le chasseur en soutenait un autre. Peu à peu, la discussion s'échauffa, et il devint évident que chacun s'efforçait vivement de faire prévaloir son avis. Malgré la chaleur toujours croissante de ce débat amical, il n'est pas d'assemblée chrétienne bien tenue, sans même en excepter celle du clergé protestant, qui n'eût pu prendre de ces trois individus une leçon salutaire de modération et d'urbanité. Les raisons d'Uncas étaient accueillies avec autant d'attention que celles qui provenaient de la sagesse plus mûre de son père. Nul ne manifestait d'impatience. Chacun parlait à son tour, après avoir donné quelques moments de réflexion à ce que le préopinant venait de dire. Le langage des Mohicans était accompagné de gestes si concordants et si naturels qu'Hayward n'eut pas grand-peine à suivre le fil de leur argumentation. La logique du chasseur s'entourait de plus d'obscurité, car, par un reste de l'orgueil que lui inspirait sa couleur, il affectait le débit froid et incolore qui caractérise les Anglo-Américains de toutes les classes lorsqu'aucune passion ne les excite. On voyait les Indiens décrire par gestes les traces que laisse au travers des forêts le passage d'une troupe, et l'on pouvait en conclure qu'ils insistaient pour continuer la route par terre, tandis que le bras d'œil de faucon, fréquemment dirigé vers l'Oricon, semblait indiquer qu'il était d'avis de voyager par eau. Le chasseur perdait du terrain, et la majorité allait décider contre lui, quand tout à coup il se leva, et secouant son apathie, il eut recours aux manières et aux ressources de l'éloquence indienne. D'abord, il leva la main vers le ciel en traçant la course suivie par le soleil et en répétant ce geste autant de fois qu'il fallait 2 jours pour accomplir leur voyage. Puis il décrivit une longue et pénible route au milieu des rochers et des courants d'eau. L'âge et la faiblesse du colonel, qui était alors endormi, furent indiqués par des signes sur lesquels il n'était pas possible de se méprendre. Duncan remarqua que ses moyens physiques à lui-même n'étaient pas évalués très haut et que le chasseur, étendant la main, le désignait par le nom de « la main ouverte », nom que sa libéralité lui avait obtenu de toutes les tribus amies. Il imita ensuite les mouvements légers et gracieux d'un canot, qu'il opposa à la marche chancelante d'un homme affaibli et fatigué. Il termina en montrant du doigt la chevelure de l'Oneida pour leur faire ressentir la nécessité d'un prompt départ sans laisser de marque de leur passage. Les Mohicans écoutaient gravement et les sentiments de l'orateur se réfléchissaient dans leurs traits. Peu à peu, la conviction s'établit dans leur esprit et la fin du discours d'œil de faucon fut accompagnée de l'exclamation approbative qui leur était habituelle. Bref, Uncas et son père se rangèrent à son avis et firent l'abandon des opinions qu'ils avaient d'abord soutenues avec une bonne foi et une candeur qui, s'ils eussent été les représentants d'un peuple civilisé, eussent infailliblement causé leur ruine politique en détruisant à jamais leur réputation d'hommes à principe. Aussitôt que l'objet en discussion fut décidé, le débat et tout ce qui s'y rapportait, à l'exception du résultat, parurent oubliés. Œil de faucon, sans s'amuser à lire son triomphe dans les regards approbatifs de ses auditeurs, étendit tranquillement son athlétique personne devant les tisons à moitié consumés, ferma les yeux et s'endormit. Laissés seuls en quelque sorte, les Mohicans, qui s'étaient jusque-là dévoués aux intérêts d'autrui, profitèrent de ce moment pour s'occuper d'eux-mêmes. Mettant aussitôt de côté les façons graves et réservées d'un chef indien, Chingachgook commença à s'entretenir avec son fils sur le ton doux et enjoué de l'affection paternelle. Uncas répondit avec joie à la familiarité de son père, et avant que les ronflements du chasseur annonçassent qu'il dormait, un changement complet s'opéra dans les manières de ses 2 compagnons. Il est impossible de décrire la musique de leur langue harmonieuse lorsqu'ils se livraient aussi librement à leurs effusions de gaieté et de tendresse. L'étendue de leur voix, particulièrement de celle du jeune homme, était surprenante. Elle allait des notes les plus graves jusqu'aux accents les plus clairs d'une voix féminine. Les yeux du père suivaient avec un plaisir manifeste les mouvements gracieux et ingénus de son fils, et il ne manquait jamais de sourire aux éclats silencieux de sa gaieté entraînante. Sous l'influence de ses sentiments doux et naturels, les traits détendus du sagamore n'offraient plus aucune apparence de férocité, et l'image de la mort, peinte sur sa poitrine, semblait être un déguisement facétieux plutôt que l'expression d'un farouche désir de destruction et de vengeance. Après avoir donné 1 heure à l'échange des meilleurs sentiments de notre nature, Chingachgook annonça son envie de dormir en s'enveloppant la tête dans sa couverture et en s'étendant par terre. La gaieté d'Uncas cessa tout à coup, et après avoir rapproché les tisons de manière à communiquer leur chaleur aux pieds de son père, le jeune homme chercha à son tour un oreiller au milieu des ruines. Puisant une confiance nouvelle dans la sécurité de ses hommes, qui avaient l'expérience des périls de la forêt, Hayward ne tarda pas à suivre leur exemple. Bien avant que la nuit fût au milieu de son cours, tous ceux qui reposaient dans l'enceinte du fort parurent dormir d'un sommeil aussi profond que les nombreuses victimes dont les ossements commençaient à blanchir dans la plaine.